fais ce que je peux pour survivre parmi ces putains d'humains de merde. Les seuls gens remarquables sont dans les livres et dans les cloaques qui se perdent. Parfois je n'arrive plus m'entourer d'âme entière pure et bienveillante. En ville, dans les bars où mon métier, y a des attentions purulentes. Inutile de se battre ici-bas, le silence en dit plus que le verbe. Malgré la sagesse qu'il y a en moi, mon coiffeur dit que je fais que des chansons de merde. C'est Dieu qui a voulu ça pour moi, cette vie de mortification. Je suis un martyr en plein combat entre l'angoisse et l'abandon. Viendra ce nouvel âge, ce grand jour où vous gagnerez, où je m'accrocherai dans mon garage en rémission de vos péchés. Ce jour-là, personne ne parlera. Le silence en dit plus que le verbe. Malgré la sagesse qu'il y a en moi, mon coiffeur dit que je fais que des chansons de merde. Inutile de se battre ici-bas. Le silence en dit plus que le verbe. Malgré la sagesse qu'il y a en moi, mon coiffeur dit que je fais que des chansons de merde. Malgré la sagesse qu'il y a en moi, mon coiffeur dit que je fais que des chansons de merde. Malgré